histoire particulière. Pendant la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, des centaines de jeunes femmes ont été employées dans des usines horlogères pour peindre au radium des cadrans phosphorescents. Marie Chartron et Laurent Polleret nous ont raconté hier, dans le premier épisode de cette histoire, que pour peindre ces cadrans à peine plus grands que 3 cm de diamètre, il faut un trait le plus fin possible. Alors les ouvrières affinent la pointe du pinceau dans leur bouche. À chaque geste, des centaines de fois par jour, les ouvrières avalent un peu de la luminescente peinture verte. Elles s'amusent à peindre leurs lèvres ou leurs dents pour surprendre leur fiancé d'un sourire renversant dans le noir. Et lorsque, quittant l'atelier, elles marchent dans la rue, à la nuit tombée, un stupéfiant halo lumineux les entoure. Leurs vêtements luisent, leurs cheveux, leur peau. Hélas, ce soudain basculement dans un semblant de surnaturel ne va pas les amuser longtemps. Les Radium Girls, Marie Chartron, Laurent Polleret. Épisode 2, le radium au tribunal. Au cœur des années folles, les ouvrières filles d'immigrés italiens, allemands et irlandais ont pour la plupart quitté les ateliers de l'US Radium Corporation, où elles peignaient des cadrans à la peinture luminescente Undark. Et pourtant, elles ont peu la tête aux distractions, car elles sont engagées dans une lutte obstinée pour la justice où se déploiera, entre autres, une galerie de personnages tous plus lâches ou cyniques les uns que les autres. Jean-Marc Cosset rend justice à ses ouvrières dans un roman policier, Radium Girl, qui s'inspire largement des faits historiques. Mais miracle de la fiction, dans sa version imaginaire, les méchants seront punis. Tous ceux qui ont péché par le radium vont mourir par le radium. J'ai été pendant très longtemps le chef du département de radiothérapie de l'Institut Curie. On parlait justement des dangers des radiations, des dangers du radium, surtout au début de l'utilisation, quand on ne savait pas exactement ce qui se passait. Les pionniers de la radiothérapie, du radium et autres, on en a perdu quand même énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de la passion qu'ils ont mis pour développer les traitements au radium ou avec les radiations. Bon, à commencer par Marie Curie, bien évidemment, mais aussi sa fille, Irène Joliot-Curie, et puis beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, en tant que radiothérapeute, vous étiez bien placé pour trouver différentes modalités, toutes plus perverses les unes que les autres, d'assassiner les méchants par le radium. Donc, effectivement, il y avait tout un tas de possibilités, et il y a eu au moins un cas où on a essayé de tuer quelqu'un en France, en lui mettant donc une source radioactive qui n'était pas du radium, mais sous son siège de 4L. Fort heureusement, il a laissé la 4L à la décharge avant d'en mourir, mais il a été quand même très malade. Et il s'en est pas aperçu tout de suite, c'était que quand il a été récupéré des morceaux de sa 4L, qu'il s'est aperçu qu'effectivement, on lui avait mis une source radioactive sous le siège. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il était un peu malade, et s'il avait gardé la 4L, il en serait probablement mort. Donc, il y a eu au moins un cas de tentative de meurtre donc avec une source radioactive. Bon, les autres, je les ai plutôt extrapolés d'accidents d'irradiation qu'il y a eu, de gens qui se sont retrouvés avec des sources au radium dans la poche ou ramassés une source de radioactive dont ils ne savaient pas qu'elle était radioactive. Ça, on a géré malheureusement pas mal d'accidents comme ça dans le monde entier. Donc, je me suis inspiré de tout ça pour trouver à chaque fois donc une idée différente pour que les méchants qui avaient péché par le radium meurent par le radium. Une histoire assez extraordinaire que franchement j'aurais pas inventée, c'est le chapitre de la visite médicale où les filles, leur avocat et tout demandent à être vues par un médecin pour dire écoutez, on n'est pas bien, on est malade, on perd nos dents, il y a la copine qui fait une tumeur de la maxillaire, l'autre qui est anémique, l'autre qui est déjà morte, enfin bon, on voudrait se faire examiner. Bon, d'accord, on va faire venir un médecin. Et donc, il faut venir un médecin. Et j'imagine, et le médecin arrive avec un assistant, très bien. Il fait déshabiller ses braves filles, il les examine, il y a l'assistant qui se rince l'œil, sauf que quelques mois plus tard, on s'aperçoit que le médecin, il n'était pas médecin du tout, c'était un ingénieur d'une autre usine de la Radium Company, donc il jouait le rôle de médecin, et l'assistant, c'était le vice-président du groupe qui était venu effectivement se rincer l'œil. Donc, et ça, je ne l'ai pas inventé. Là, on a quand même une galerie assez extraordinaire. Alors, on a eu aussi des gens qui étaient manifestement en conflit d'intérêts, donc ils sont venus témoigner comme quoi il n'y avait pas de danger et autres, mais en cherchant et en creusant un peu, on s'apercevait que c'était des vrais scientifiques, ils avaient un laboratoire, mais que le laboratoire était largement payé par la Radium Company, donc en fait ils étaient en conflit d'intérêts total. Bon, idem pour certains médecins qui sont venus raconter des choses complètement ahurissantes, dont on s'est aperçu après qu'il y avait eu des virements sur leur compte qui étaient un peu suspectes venant de la Radium Company. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Et ce docteur Frédéric Flynn, par exemple, qui mène une grande étude pour le compte de l'US Radium Corporation. Exactly, Dr. Frederick Flynn was the expert that they hired. Exactement, le docteur Frederick Flynn était l'expert engagé par la compagnie. Il avait déjà travaillé pour eux. Il avait soutenu que l'essence au plomb était sans danger. Cela vous donne une idée du genre de service qu'il rendait. Et il a persisté à nier qu'il s'agissait d'une intoxication au radium jusqu'à la fin des années 1920. Il a procédé à des analyses sur de nombreuses femmes et il leur disait qu'elles n'étaient pas contaminées par le radium. Il a affirmé à une femme à 8 reprises, une femme qui s'appelait Catherine Moore, drôle de coïncidence, il lui a dit 8 fois qu'elle ne souffrait pas d'intoxication au radium. Il lui faisait des examens, lui donnait ses résultats et concluait à chaque fois qu'elle allait bien. Or, elle est morte plus tard d'une intoxication au radium. Manifestement, il interprétait les données comme ça l'arrangeait. Les firmes du radium se sont alors lancées dans une véritable campagne de propagande visant à discréditer les femmes qui présentaient leur propre version des événements. Elles ont dissimulé des études défavorables, ne publiées que celles qui allaient dans leur sens. Et elles ont aussi essayé de s'immiscer dans la vie de ces jeunes femmes en leur envoyant des médecins pour les examiner. Des médecins qui affirmaient « ça ne peut pas être la faute de l'entreprise » ou « pour moi, rien d'anormal dans votre formule sanguine ». Tout pour instiller le doute dans l'esprit du public ou des filles. Peut-être qu'elles ne devraient pas porter plainte, parce que peut-être l'entreprise n'était pas coupable. Puisque ce docteur si estimé me dit que je vais bien, qui croire ? C'est le genre de propagande éhontée à laquelle se sont livrées les firmes de radium. J'ai pensé que c'était simplement un petit peu de rhumatisme et je n'ai rien fait. Je suis allée me coucher un soir et le lendemain je me suis réveillée avec des douleurs terribles dans les os. J'ai commencé à avoir des problèmes de dents. Parmi les filles que je connaissais et qui avaient travaillé à l'usine, beaucoup ont commencé à mourir, rapidement, de manière alarmante. C'étaient toutes de jeunes femmes en bonne santé. Ça semblait bizarre. Après les premières douleurs surviennent les premiers décès. Les premières Radium Girls s'éteignent, ce qui va conduire leurs ex-collègues à saisir la justice. Mais la mort des premières Radium Girls n'est absolument pas attribuée au radium, Kate Moore. So the first radium girl died in September 1922. La première radium girl s'est éteinte en septembre 1922. Il s'agissait d'Amelia Macha, qui avait subi une erreur de diagnostic. Elle souffrait d'une forme très agressive d'empoisonnement. Elle a été emportée moins d'un an après l'apparition des premiers symptômes. Et c'était en partie parce que les médecins ne savaient pas quoi ils avaient à faire. Donc leur approche a été de lui arracher toutes les dents, par exemple. Mais de ce fait, l'intoxication est devenue encore plus agressive, s'est étendue plus profondément et lui a rongé la bouche. Elle fut la première victime. Ce qui est arrivé à Molly, c'est qu'elle a été mal diagnostiquée et enterrée avec un certificat de décès pour cause de syphilis, à cause de la manière dont son corps pourrissait, qui évoquait aux médecins cette maladie vénérienne. Et c'est son dentiste, curieusement, qui a procédé à l'examen médical pour savoir si la syphilis pouvait expliquer son état. Elle a été testée 2 fois. La première fois, le test était négatif, ce n'était pas la syphilis. La deuxième fois, quand le dentiste a fait l'examen, le test était positif. Molly n'était pas mariée. Alors l'image d'une jeune fille célibataire mourant d'une maladie sexuellement transmissible en 1922... Vous pouvez imaginer la stigmatisation sociale. Elle a été montrée du doigt, discréditée, traînée dans la boue. Et rien de cela n'était vrai. On le sait parce qu'on a exhumé son corps plus tard, on a refait des analyses et on n'a pas trouvé la moindre trace de syphilis dans son organisme. C'est le radium qui l'a tué. La compagnie du radium a recouru aux mêmes méthodes pour discréditer d'autres femmes. De nombreuses radium girls ont connu le même sort quand ce n'était pas la syphilis, c'était la tuberculose ou une autre infection. Et c'est ce qui a empêché pendant des années d'établir un lien probant de causalité entre leur emploi et leur maladie. Et j'ajouterai également qu'alors que ces femmes mouraient par dizaines au début des années 20, il a fallu attendre le décès du premier employé homme de la firme de radium, le docteur Lehmann, qui est décédé en 1925. Ce n'est que lorsqu'il est mort que les médecins ont entamé des recherches sérieuses, qu'ils ont mis au point des tests et se sont enfin penchés sur le sort des ouvrières. Jean-Christian Vinel, vous êtes maître de conférences en histoire à l'Université Paris Diderot. Qu'est-ce que l'histoire des Radium Girls raconte sur les relations professionnelles aux États-Unis dans les années 20? Si vous voulez, ce qu'on voit avec les Radium Girls, c'est que même si on est dans une période où progressivement la puissance publique se saisit des accidents du travail, de cette question-là, va légiférer au niveau des États, donc légiférer de manière distincte. On comprend que les États où l'industrie minière est très forte sont des États où on va légiférer sur la question des mineurs. Mais même au moment où les États commencent à s'investir dans ces questions, où le législateur reconnaît qu'elle existe, on n'est pas simplement dans un processus de réglementation, on est aussi dans un processus où employeurs et réformateurs luttent pour contrôler ce processus de réglementation et ses effets réels. Et un des enjeux de la question des accidents du travail, une fois qu'elle est acceptée, c'est le contrôle du savoir. Qui, en fait, détient le savoir qui permet de déterminer le savoir médical et scientifique, qui permet de déterminer la responsabilité de l'employeur. Et de fait, les entreprises refusent en général de coopérer lorsqu'on leur demande des informations. Et même si les entreprises américaines, à ce moment-là, s'investissent dans cette question des accidents du travail, elles mettent en place, elles recrutent des experts qui leur permettent d'éviter certains problèmes, elles gardent le contrôle du savoir scientifique qui permet de déterminer quelles sont les causes des accidents. Et donc, la question des Radium Girls, c'est la question aussi de la démocratisation de l'accès à ce savoir scientifique. Les premiers scientifiques à enquêter là-dessus sont des scientifiques qui sont à Harvard, qui dès 1924 ont terminé leur enquête. C'est les époux Drinker. Et l'entreprise refuse qu'ils rendent leurs conclusions publiques, et eux, cherchant avant tout à protéger une profession en plein essor, l'expert en questions scientifiques et médicales liées au travail, préfèrent ne pas aller contre l'entreprise. Quel est l'événement qui incite les femmes à saisir la justice ? Depuis longtemps, les Radium Girls étaient convaincues que leur travail était responsable de leur maladie, mais elles ne pouvaient rien faire tant que la preuve de causalité n'était pas établie. Ce n'est qu'en 1925 qu'elles ont obtenu les preuves nécessaires pour entamer une action en justice. C'est ce qu'elles se sont empressées de faire. Différentes raisons les y ont poussées. Sur le plan matériel, ces femmes avaient de lourdes factures médicales à payer. J'ai décrit leurs symptômes. Les dents qu'on devait arracher les unes après les autres, les lésions à traiter, les multiples opérations chirurgicales pour essayer d'aider leur corps à guérir de cette intoxication dévastatrice qui les détruisait. Donc ces femmes avaient des milliers de dollars de dettes et ne pouvaient tout simplement pas y faire face. Depuis ma première visite chez le médecin, la seule chose que j'ai vue, c'est des médecins et encore des médecins. Tandis que les autres filles vont au théâtre, qu'elles sont courtisées, se marient par amour, à moi il me faut rester ici, à regarder une mort douloureuse approcher. Je me sens si seule. Est-ce que vous pouvez nous raconter le déroulement de cette procédure judiciaire, Kate Moore, et ce que font les plaignantes. Quels sont leurs alliés? Quels sont leurs adversaires? La bataille juridique a été une épreuve de plus pour ces femmes, encore un obstacle à surmonter. La première plainte a été déposée par une femme du nom de Marguerite Carlo le 5 février 1925. Mais elle avait continué de travailler pour la compagnie du radium pendant sa maladie, contrairement à Grace Fryer et Catherine Schaub, par exemple. Si bien qu'alors que la plainte de Marguerite Carlo était jugée recevable et faisait finalement l'objet d'un règlement hors procès, Grace et Catherine se sont entendues dire qu'en raison des règles de la prescription, elles auraient dû porter plainte dans les 2 ans suivant leur embauche à la compagnie du radium. Or, les premiers symptômes d'intoxication au radium n'apparaissent qu'au bout de 5 ou 6 ans. La loi était donc inadaptée, puisqu'elle stipulait que ces femmes auraient dû déposer plainte à l'avance pour une maladie future dont elles ignoraient tout. Et à cause de ces complications juridiques, il leur a fallu très longtemps pour trouver un avocat qui accepte de les défendre. Quand bien même il était évident que c'était leur travail qui les avait tués, les médecins l'avaient prouvé, la loi était écrite et interprétée de telle manière que ces femmes désespéraient d'aller un jour devant les tribunaux. Tous les avocats refusaient de les représenter. Dans le cas des Radium Girls, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que dans le New Jersey, la loi qui sera adoptée est amendée pour inclure le radium, mais seulement certaines pathologies liées au radium, pas toutes. Sous l'influence de la National Consumers League, on modifie la loi sur l'indemnisation des ouvrières qui souffrent du radium. Mais on la modifie de manière à ce qu'en fait, très peu d'ouvrières puissent s'en prévaloir. La loi ne couvre que les problèmes liés à la déformation de la mâchoire, pas l'empoisonnement au radium. Pour la plupart d'entre elles, en fait, ce ne sera pas possible d'utiliser cette loi. Ces Radium Girls, en admettant qu'elles aient encore travaillé pour l'US Radium Corporation, il ne leur serait pas venu à l'idée de faire une grève bien longue. Elles ne sont pas syndiquées. Jusqu'aux années 30, la principale confédération syndicale aux États-Unis, c'est l'American Federation of Labor. C'est une confédération qui regroupe des syndicats d'ouvriers qualifiés. Essentiellement, il y a quelques exceptions, mais essentiellement, regrouper les syndicats de travailleurs qualifiés, donc qui sont donc organisés par métier, hein, cela veut dire protéger les intérêts d'ouvriers qui sont souvent, comme on le dit en anglais, « white Anglo-Saxon Protestant ». Des ouvriers qui ne sont pas issus d'une immigration récente, ne sont pas catholiques et ne sont pas vraiment employés dans l'économie tayloriste. Donc ces Radium Girls, elles ne sont pas protégées par l'American Federation of Labor. Elles n'ont pas d'accord d'entreprise hein, pour les protéger. Vont-elles faire grève? Non. Elles vont chercher à exprimer leur frustration et leur souffrance. Elles vont d'abord contacter des docteurs, ensuite elles vont contacter les services. Il y a des ministères du travail dans chaque État. Il y en a un dans le New Jersey. Ils ont été créés très récemment, mais elles les contactent pour voir ce que l'on peut faire pour ce problème du radium. Mais leur combat ne va pas être une lutte syndicale. Ça va être un combat pour que l'on reconnaisse le radium comme étant la source de pathologies importantes au travail. Ce combat-là, on peut dire qu'il sera en partie couronnée de succès. Dans les années 50, il y a encore des ouvrières qui souffrent de certains effets du radium, même si elles sont mieux protégées. Les dernières usines de peinture au radium ferment dans les années 70 aux États-Unis. Mais tout de même, elles vont forcer la reconnaissance du caractère nocif du radium. Lors de la première action en justice, l'avocat demande une indemnisation pour l'ouvrière et aussi pour son mari, au motif que sa femme ne pourra plus remplir son rôle d'épouse comme elle aurait dû le faire. Tout à fait, et ça c'est que le débat sur les Radium Girls n'est pas un débat qui porte sur les inégalités de classe. Ce n'est pas un débat qui porte sur la domination des élites économiques. C'est un débat qui est structuré par le genre et qui, de fait, débouche sur des évolutions politiques et juridiques qui sont plus limitées. Les réformateurs qui cherchent à défendre les Radium Girls ne les défendent pas. Je pense à Alice Hamilton, je pense à la National Consumers League, aux progressistes en général, ne les défendent pas comme des ouvrières, membres de la classe ouvrière, victimes de l'inconscience, ce serait la première chose, ou du cynisme, voilà, des patrons. Ils les présentent comme des femmes qui ne vont pas pouvoir jouer leur rôle dans la société, qui est celui d'avoir des enfants et de s'investir dans une vie familiale. Grace Fryer a déniché un jeune avocat d'à peine 30 ans, du nom de Raymond Berry, qui était prêt à prendre l'affaire. Et il a très habilement interprété cette notion de prescription en argumentant que puisque le radium était encore à l'œuvre dans le corps de ces femmes, c'était ce qui les détruisait, alors la date de survenue du préjudice, le moment de l'atteinte corporelle, se reproduisait sans cesse, ce qui rendait inopérant le délai de 2 ans pour entamer une action, et comme elle continuait de subir des dommages corporels, elle pouvait porter plainte demain et être encore dans le délai de prescription de 2 ans. Kate Moore, cette technique qui consiste à affiner le pinceau avec les lèvres, est-elle spécifique aux États-Unis ou la retrouve-t-on ailleurs à la même période ? Il semblerait que cette technique ait été surtout enseignée aux États-Unis. Madame Curie, quand on l'a interrogée sur les Radium Girls, a répondu qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un cas de peintre de cadran intoxiqué de cette manière en France. C'est ce qu'elle affirmait en 1928. Madame Curie a ajouté qu'en France, les peintres de cadran se servaient de bâtonnets, ouatés aux extrémités, donc pas de pinceau à effiler avec la bouche. En Suisse, on utilisait parfois des aiguilles en métal pour appliquer la peinture. Il existait donc plusieurs techniques différentes en Europe. Les études contemporaines ont étayé la thèse selon laquelle le pinceau effilé était une technique utilisée uniquement en Amérique. Mais je peux vous dire néanmoins que depuis la publication de mon livre, j'ai reçu des messages de lecteurs en Angleterre, par exemple, dont les ancêtres étaient des Radium Girls, ouvrières dans le Yorkshire ou dans d'autres comtés, et ils m'ont dit que les femmes effilaient aussi leurs pinceaux avec les lèvres dans leur usine. Ce n'est pas ce qui est ressorti de mes recherches, mais j'ai entendu d'autres témoignages semblables transmis à travers les années. En fait, cette technique n'était pas circonscrite à l'Amérique comme on l'a d'abord cru. En revanche, c'est aux États-Unis que l'on trouve une grande partie des pièces à conviction, grâce au courage de ces jeunes Américaines qui ont saisi la justice. On dispose d'une somme considérable de documents judiciaires qui décrivent exactement ce qui se passait dans les ateliers. Ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni, par exemple, où ces archives n'ont pas été conservées. De partout, les gens se demandaient pourquoi justice nous était refusée. Refusée à 5 filles qui avaient moins d'un an à vivre. Ce qui avait été un cas désespéré et invisible éclatait tout à coup aux yeux du public. Les lettres affluaient vers nous de tous les coins du monde. Si vous avez écrit un personnage de justicier fictif, Jean-Marc Cosset, c'est que justice n'a pas été faite, puisque pour qu'elle le soit, modestement, il faudra attendre que les ouvrières de l'Illinois reprennent le flambeau en 1938. Donc Grace Fryer et ses 4 collègues portent plainte en 1927, et bien qu'elles soient soutenues par la presse et par le public, leur procès s'enlise. L'US Radium Corporation retarde sans cesse l'instruction, si bien que leur avocat, Raymond Berry, se retrouve contraint d'accepter une solution à minima, puisqu'il craint que les plaignantes ne puissent assister au verdict et ne puissent être indemnisées. Oui, parce qu'à ma connaissance, bon, le règlement s'est fait, enfin, il y a eu un règlement hors cours, comme on dit. Bon, mais ça, c'est à partir du moment où on se met d'accord hors cours et hors procès, bon, effectivement, la procédure s'éteint d'elle-même. En fait, la Radium Company n'a pas été condamnée, n'a pas été blâmée, et s'en est sortie quand même, en fait, blanchie, en définitive, dans l'imaginaire des gens, c'est bah oui, bon, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de verdict, donc bah, ça veut dire que tous les arguments qu'avait développé la Radium Company, bah, c'était vrai, c'était que soit qu'en fait, elles n'avaient pas été vraiment beaucoup irradiées, soit qu'elles avaient essayé d'obtenir de l'argent bon, pour des maladies qui n'avaient aucun rapport avec le radium, etc., etc. Et puis on a dit, ah bah oui, quand même, ça a été indemnisé. Mais indemnisé, d'accord, il y a eu une indemnité, mais il y avait un facteur 25 entre ce qu'elles auraient pu attendre si vraiment l'US Radium Company avait été condamnée et ce qu'elles ont réellement touché. Et c'est les avocats qui arrangent ça, et après, bah, du coup, la procédure s'étend d'elle-même. So the company wanted to do everything in its power to make sure that this case went away, because if the radium girls la compagnie était prête à tout pour étouffer l'affaire. Parce que si ces ouvrières réussissaient à prouver la dangerosité du radium, alors les firmes pouvaient dire adieu aux millions de dollars de bénéfices qu'elles tiraient chaque année de tous les produits à base de radium. L'un de ces nombreux produits au radium que l'on trouvait dans le commerce, en vente libre, était un tonique baptisé Raditor. C'était une eau radioactive très concentrée. Une affaire est restée célèbre en Amérique, le cas d'un homme important qui s'appelait Eben Byers, un riche industriel, sportif et playboy. Un jour où il jouait au polo, il a eu un accident. Il est tombé de cheval et s'est blessé. Pour le soulager, son médecin lui a prescrit du Raditor. Eben Byers a trouvé ce remède miraculeux. C'est l'un des drames avec le radium. Quand on commence à en prendre, on se sent effectivement mieux au début, car il stimule la production de globules rouges, ce qui donne l'illusion d'être en meilleure santé. Mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, vous vous empoisonnez. Eben Byers, quant à lui, ne jurait que par cette boisson. Il en a consommé des centaines de milliers de flacons. Et il a succombé à une intoxication au radium. Mais avant de mourir, il avait témoigné devant la FTC, la Commission fédérale américaine du commerce. Il avait affirmé dans sa déposition que c'était le Raditor qui l'avait tué. Et c'est à cause de sa mort que la FTC a enfin interdit la commercialisation de produits comme le Raditor. Mais il est important de rappeler que le décès d'Eben Byers n'est intervenu qu'en 1934, si je me souviens bien. C'était donc une décision tardive, prise l'année de la disparition de Marie Curie. Or, le public avait eu connaissance du drame des Radium Girls plus de 6 ans auparavant. On avait déjà découvert la dangerosité du radium, ce qui illustre à mes yeux ce biais du genre, les préjugés sexistes dont elles ont souffert. Les Radium Girls avaient révélé au monde que le radium était dangereux, même en petite quantité, que si l'on buvait cette eau au radium, il fallait se méfier. Et les gens se sont méfiés. Ils avaient eu vent de l'affaire, ils écrivaient des lettres de réclamation, et les ventes ont chuté temporairement. Mais comme aucune poursuite n'avait été engagée, qu'aucun procès n'avait débouché sur un verdict de culpabilité, que des règlements étaient intervenus en dehors du tribunal et parce que ces femmes étaient encore réduites au silence, il a fallu attendre la mort d'un homme fortuné pour qu'enfin ces produits soient interdits à la vente. Pourquoi avoir réagi si tard quand des dizaines de jeunes femmes avaient déjà succombé? C'est l'une des injustices et des inégalités flagrantes dont est pétrie cette histoire, qui m'a choquée, ouvert les yeux. L'une des citations que je préfère dans le livre concerne Grace Fryer. Quand un journaliste lui a demandé pourquoi elle saisissait la justice et comment elle envisageait le procès, elle a répondu « Je ne le fais pas seulement pour moi, je pense surtout aux centaines d'autres jeunes filles qui pourront prendre exemple sur cette action. » Une fois que le radium a pénétré dans votre corps, il est impossible de s'en débarrasser. Les ouvrières savaient qu'il s'agissait d'une intoxication létale. Elles savaient que le procès n'allait pas inverser le cours des choses, qu'elles ne pouvaient pas revenir en arrière, ni enrayer l'évolution fatale de la maladie. Mais elles pouvaient décider du retentissement qu'aurait leur mort sur le monde. À travers les mots de Grace et ceux des autres Radium Girls, elles ont laissé des journaux intimes, des lettres, des dépositions. On comprend que ce qui les animait, c'était la volonté d'empêcher que cette tragédie ne se reproduise. Elles voulaient qu'il soit prouvé une bonne fois pour toutes que le radium était dangereux, même en petite quantité. Elles voulaient éviter à d'autres ouvrières de tomber malades et elle voulait aussi faire plier ces firmes de radium très prospères qui n'ont cessé leur activité qu'à la mort des Ben Byers. Mais elle tenait surtout à prévenir d'autres drames, à protéger les autres. Je trouve ces femmes admirables, d'altruisme et de courage. Nous leur devons beaucoup, car elles ont rendu le monde meilleur à travers leur combat et leur détermination à obtenir justice. C'était Radium Girls, épisode 2, le radium au tribunal, avec Kate Moore, Jean-Christian Vinel et Jean-Marc Cosset. Traduction Eve Der. Les textes lus par Nejma Bouakra et Émilie Chaudet sont extraits des minutes du procès, de la correspondance et des journaux intimes des Radium Girls. Merci à Lola Baldo, Samia Lafif, Hugues Calvé-Lauvin, Antoine Gignot et Élise Leu. Coordination Christine Bernard. Mixage Marie Le Peintre. Un documentaire de Marie Chartron et Laurent Polré. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Je vous emmène à Londres, dans le quartier de Whitechapel. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Ou plutôt quelqu'un? Mais c'est une autre histoire.